Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, les jeux vidéo, c'est la vie. Une série d'Antoine Tricot réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a un documentariste joueur et de la fatigue face aux discours alarmistes. Il y a l'envie de s'amuser et celle de ne pas passer à côté d'un loisir auquel s'adonnent les trois quarts des Français et qui est devenu patrimoine fragile qu'il faut conserver et étudier. Alors pour commencer, les personnages. Un joueur qui voyage dans le temps, un collectionneur déterminé, une conservatrice pionnière, une autre qui théorise, un conservateur technicien, une chercheuse qui légitime et des joueurs devenus vieux. Ensuite, le décor. Des champignons, un plombier, des jeux d'arcade, des disquettes, des consoles, un hangar, le dépôt légal, du mépris, un peu, du bénévolat et des revues spécialisées. Aujourd'hui, 4e épisode, on démarre une partie. Là, vous branchez quel jeu ? Super Mario World. Forcément. Attention. Ça marche. On attaque une partie ? Ouais. Je pense que j'ai dû jouer à ça il y a 20 ans ? Ouais, plus. Je sais même pas si je serais capable encore de jouer. Ok, j'essaie. Les jeux vidéo, c'est la vie. Premier niveau. Hop. Aujourd'hui, un patrimoine à sauvegarder. Antoine Tricot et Rafik Zénine. Que de souvenirs. Ah, j'y arrive encore. Ah non. J'ai tenu 20 secondes, c'était pas mal. Deuxième tentative. Ah. Déjà un champignon. Combien de temps je vais tenir cette fois ? Est-ce que j'ai encore de bons réflexes ? L'objectif, c'est de finir le niveau. C'est pas gagné. Ça, je me débrouille pas mal, là. Il suffit que j'évite les fleurs. Mon neveu de 4 ans fait le même, hein. Vous m'encouragez pas assez, je pense. C'est pour ça. Mais je constate que c'est pas terrible, quand même. Ah, moi, j'ai cru que j'avais fini, mais c'était que la moitié du niveau. C'est ça. Courage. Bientôt la fin. Faut se baisser, là. Merci. Sans vous, là, j'avoue, je serais pas arrivé. Faut courir à droite. Attention à la carapace. Vous les connaissez. Hop, hop, hop. Eh non, vous voyez. Tout le monde connaît ce niveau-là. Maintenant, je peux faire des petites boules. Oui, on va voir combien de temps. Bravo. J'ai gagné. Bravo. J'ai réussi, vous voyez. Oui. Ouais, ouais. Non, mais félicitations. J'y croyais pas, hein. Vraiment, mais bluffé. Lorsque j'y ai joué pour la première fois, ce jeu m'a émerveillé. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Les couleurs, la musique, les transformations du personnage de Mario, c'était formidable. Mais la console sur laquelle j'ai passé le plus d'heures, c'est certainement la Game Boy. Je suis né tout juste un an avant sa sortie. Puis j'ai joué à la Nintendo 64 et à la PlayStation 2. Mais aujourd'hui, je n'ai plus aucune de ces consoles, ni aucun de ces jeux. Les endroits pour y rejouer sont rares. Il y a peu, la mode du rétro gaming, qui consiste à racheter des vieilles consoles et des vieux jeux par nostalgie, a ouvert le débat. Que deviennent les anciens jeux ? Quelle est leur durée de vie et que doit-on en faire ? Pour l'association MO5, dont Douglas Alves nous fait visiter le local plein comme un œuf, cela ne fait pas de doute. Tout le monde doit pouvoir avoir accès aux vieux jeux, de la même façon que l'on a accès aux livres anciens ou aux tableaux des grands maîtres. On peut voir, parce que là on est dans un petit coin où on peut tenir ensemble, tout est très étroit. Vous avez quoi comme différents types d'objets ? Ah ben, on a des micro-ordinateurs là derrière nous, on a des jeux micro. Voilà. Là on a le cœur de collection. Donc voilà, avec, on commence par des très vieux micro-ordinateurs des années 70, des consoles Pong, voilà, il y en a eu des centaines qui sont sorties sur le marché. Voilà, un TV Boy de Gaken, console japonaise, voilà. On a même des sortes de jouets. Là, c'est un jouet Dragon Quest qui permettait, avant la Wii, de jouer en motion gaming devant sa télé, donc en agitant l'épée. Ça permettait de faire des gestes reproduits sur exactement, dans le jeu vidéo sur la télévision. C'était une sorte de mini console jouée avec du motion gaming avant la Wii. En fait, l'épée en plastique devient un contrôleur. Voilà, c'est un contrôleur. Voilà, c'était sorti au Japon et ça a bien marché. Et ça date de 2003. 2003, oui. C'est... On parlait des consoles Pong tout à l'heure. Il n'y a pas que les consoles dans l'histoire du jeu vidéo. Ça commence avant, en général. On dit toujours le début, 1972, la console Pong. Donc un petit jeu échanger. Avant la console, il y a eu la borne d'arcade Pong, 72, qui est en fait le premier succès commercial dans le jeu vidéo. C'est pas du tout, contrairement à ce qu'on dit, le premier jeu. Déjà, les jeux vidéo en tant que produit commercial, ça a commencé à sortir en 71. Mais en 71, ça a été un peu, on peut dire un faux départ, parce que rien n'a marché dans ce qui est sorti en 71, jusqu'à que Pong, en fait, fasse une percée. Par exemple, en 71, là, on a une borne d'arcade, donc qui s'appelle Computer Space. C'est une machine bleue, brillante, alors, assez jolie, on doit dire. Oui, alors, elle a plusieurs couleurs. Elle a un modèle jaune, un modèle vert, un modèle rouge. Et ça, c'est Nolan Bushnell et Ted Damney qui l'ont conçu et sorti, édité par une société qui s'appelait Nuttings. L'idée, c'était de faire un Space War, qui était un jeu universitaire, sorti en 1962 sur PDP-1, de le convertir en arcade pour en fait l'amener au public. PDP-1, c'était un énorme ordinateur des années 60. Vous allez rigoler, c'est un ordinateur qui ressemble en gros, pour la partie microprocesseur, à deux gros frigos américains, mais c'est ce qu'on appelait à l'époque la famille des mini-ordinateurs. Voilà. Et l'idée de le passer justement à un jeu en borne d'arcade qui fait, on va dire, plus qu'un la taille d'un seul frigo, c'était pouvoir le commercialiser plus facilement. L'idée effectivement de Nolan Bushnell, c'est en fait de sortir le jeu vidéo de l'université et en fait de l'amener dans le grand public en utilisant un écosystème qui existait déjà, qui était là depuis très longtemps, qui est l'écosystème en fait du jeu d'arcade non jeu vidéo, tout ce qui est jeu électromécanique, ce qu'on appelait il y a très longtemps les jeux de fête foraine, et de prendre ces nouvelles technologies et de profiter de cet écosystème pour introduire en fait le jeu vidéo. Voilà. Alors donc ce qui est très intéressant, c'est dans la conception de Computer Space, c'est que contrairement à l'idée basique, on prend un ordinateur, on le met dans un meuble avec un écran, un monnayeur. En fait, ils se sont dit, c'est beaucoup trop cher. C'est un ordinateur où, à l'époque, pour avoir que la partie microprocesseur, ça coûtait 30 000 dollars environ. Pour un marché où la plus chère des machines électromécaniques était à peu près à 1 800 $. Ted Damney et Nolan Bushnell, en fait, ils ont conçu entièrement l'électronique, une électronique originale pour créer ce jeu Computer Space. Voilà. Comment on y jouait concrètement? Alors, comment on y joue? Alors c'est assez intimidant, je pense que c'est aussi ce qui a fait que le jeu a certainement eu peu de succès auprès du public. Parce qu'on arrive, il y a 4 boutons. Voilà, il y a un bouton pour la rotation gauche, la rotation droite, un bouton pour le tir, voilà, pour les torpilles, et l'autre pour les propulsions. Voilà. Donc déjà, c'est vrai que contrairement à Pong, on comprend que Pong au niveau des contrôles intimidait beaucoup moins les gens, puisqu'on arrivait et on avait juste un spinner, une sorte de potentiomètre à tourner. Donc le jeu paraissait simple. Là, déjà, quand on arrive devant la borne, effectivement, il y a une certaine complexité qui s'en dégage, mais c'est normal, c'est un jeu universitaire. Et les jeux universitaires, ils étaient dans la simulation, dans les chiffres, dans tout ce qui était précis. Disons que c'était pas des jeux qui étaient conçus à la base pour être des jeux commerciaux. Douglas, on est en banlieue parisienne. Petit entrepôt, très très plein, on a du mal à passer entre les étagères, donc il y a même, je vois, de l'isolation au plafond, tout un système pour que le toit soit très très hermétique et que rien ne passe. Qu'est-ce que vous conservez ici? On conserve tout ce qui est matériel, disons, à support vidéoludique, on va dire, donc tout ce qui est borne d'arcade, ordinateur, jeux électroniques, consoles, périphériques, et donc on est obligé d'avoir une certaine norme en fait au niveau préservation conservation des supports, hein, parce que l'humidité, les UV, enfin il y a énormément de choses qui peuvent faire du mal aux disquettes notamment ou aux composants électroniques, donc on est obligé de faire des travaux là, ouais, on est en plein travaux sur justement l'isolation, mais aussi l'expansion en fait du volume de stockage, parce que là on est très en vertical, hein, alors qu'au début on avait que pratiquement le sol, et donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués pour pouvoir stocker un maximum, puisque la collection est assez énorme, hein, c'est une des plus grandes en Europe. On peut peut-être être un peu surpris, ouais, par le fait que tout ce matériel, qui est quand même un trésor d'informatique, de jeux vidéo, etc., soit regroupé dans un tout petit local en banlieue parisienne, colmaté comme on le peut pour que tout soit en bon état. Pourquoi c'est pas l'État qui prend en charge cette conservation de tous ces objets ? Je pense que l'idée de patrimoine informatique et de jeux vidéo n'est pas encore une priorité. Malheureusement, malgré le fait que c'est une technologie, un média qui a très rapidement évolué, donc il est très complexe en fait à préserver, et donc nous de notre côté, de toute façon, on essaie de tout faire pour garder le maximum, pour réparer, pour préserver, en espérant vraiment qu'il y ait un musée national, qu'il y ait une volonté de création d'un musée national, et qu'on puisse justement tout léguer aux futures générations. Avec plus de 60 000 objets, la collection de l'association MO5 est impressionnante, mais fragile. Le projet de grand musée étatique du jeu vidéo que ses membres espèrent a échoué à plusieurs reprises. Mais certaines institutions conservent, discrètement, le patrimoine vidéoludique. C'est le cas de la Bibliothèque nationale de France, qui préserve dans ses magasins plus de 17 000 jeux et objets en relation avec l'univers vidéoludique. Élodie Bertrand, chef de la section documents électroniques, nous détaille ce qui compose cette collection. Donc les jeux eux-mêmes, c'est-à-dire les éditions commerciales mises à la disposition du public, qu'on a dans donc leur état commercialisé, c'est-à-dire pas seulement les jeux ou les supports de jeux eux-mêmes, mais le conditionnement, donc c'est-à-dire la boîte, le manuel et tous les documents qu'on qualifie en termes bibliothéconomiques de documents d'accompagnement, qui peuvent aller de codes d'accès, de publicité, de petits stickers à poser sur le blister, etc. Donc il y a cette collection de jeux que nous conservons via le dépôt légal depuis 92 et pour des périodes un petit peu plus anciennes grâce à des acquisitions rétrospectives. Et par ailleurs, donc tout ce qui est presse spécialisée, donc toutes les revues qui ont été consacrées aux jeux vidéo qui sont apparues dans les années 80. Et dans certains cas, chose chère aux personnes qui se préoccupent de la préservation des jeux anciens, on avait revu accompagné de disquettes qui pouvaient comporter soit des démos du jeu, soit le code, et qui ont été une des premières manières d'appropriation du jeu vidéo par un public d'amateurs. Et ça, c'est des choses qui sont aussi entrées dans les collections parce que le dépôt légal marchait bien pour la presse. Donc dès le début des années 80, les premiers jeux vidéo qui sont arrivés en fait dans les collections de la BNF sont arrivés par ce biais. Est-ce qu'on peut ouvrir une boîte pour voir ce qu'il y a dedans ? Je vous laisse prendre une boîte au hasard alors. Prenons celle-là, MY487. Qu'on trouve dedans. Donc là, essentiellement des jeux Game Boy, enfin Game Boy Advance, puisque donc là on voit ce sont des jeux reçus par dépôt légal, donc dans un état de conservation assez satisfaisant, puisque ce sont des jeux neufs qui ont été conditionnés et qui ont été peu manipulés depuis, et donc documents arrivés par dépôt légal. Donc on voit, ce sont des documents qui sont arrivés entre novembre, plus exactement le 9 novembre 2004 et le 27 janvier 2005, donc sur une tranche de 2 mois, les jeux sur cartouche qui ont été déposés à la BNF. On a Yu-Gi-Oh, on a Shrek 2, les Tortues Ninja, on a Duel Masters et Tony Hawk's Underground 2. J'ai jamais joué sur Game Boy Advance, mais j'ai beaucoup joué à Tony Hawk Pro Skater 2 et FIFA. Qui était déjà, à l'époque, tout à fait un des grands incontournables de l'édition de fin d'année. Élodie Bertrand, on entend dans les magasins de la BNF où nous sommes une ventilation continue. Mm-hmm. C'est pour assurer un niveau de température particulier ? Effectivement, enfin particulier, enfin en tout cas qui reste constant. Donc on est dans des magasins où la température moyenne tourne entre 19 et 20 degrés. Et par ailleurs, effectivement, il y a aussi un taux d'hygrométrie qui est adapté. Donc ici, on est autour de 55%. C'est pour éviter notamment le développement des moisissures avec des variations qui sont à la marge compte tenu du bâtiment, mais qui peuvent donc jouer d'un magasin à l'autre compte tenu des supports, du type de support qui est conservé. Élodie Bertrand, c'est là tout l'enjeu de la BNF, c'est qu'on fait de la conservation pas pour dans 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, mais a priori pour les siècles futurs. Tout à fait. C'est en tout cas ainsi que la BNF, du fait aussi de son épaisseur historique, envisage les choses. Le dépôt légal est bien donc récupérer les titres au moment de leur sortie sur le sol français, mais bien évidemment pour les conserver et aussi, si possible, et c'est pour ça qu'on a des équipes dédiées, être en moyen de les communiquer dès à présent, mais aussi aux générations futures. Pascale Isartel, vous êtes directrice du département audiovisuel à la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes dans votre bureau, dans une des 4 tours du site François Mitterrand, juste à côté de la Seine. Est-ce que vous comprenez que ça puisse paraître étrange à beaucoup de monde encore, qu'on parle jeux vidéo à la Bibliothèque nationale de France ? Complètement, complètement. La Bibliothèque nationale de France, c'est d'abord le temple du livre, qui sont les livres qui sont symbolisés par ces tours, justement. Et donc, effectivement, il y a toujours un effet de surprise. Et c'est pour ça que nous tentons d'expliquer et d'avoir des occasions d'expliquer qu'il y a aussi cette mission de collecte de documents plus atypiques, très diversifiés, dont le jeu vidéo. Depuis quand la Bibliothèque nationale de France s'intéresse aux jeux vidéo ? Alors, en termes d'intérêt, il faut distinguer l'intérêt et puis l'obligation. L'obligation qui est inscrite dans le Code du patrimoine depuis 1992. C'est à ce moment-là que les législateurs adaptent la loi pour collecter des documents électroniques, des logiciels. Et c'est par ce biais-là que les jeux vidéo, qui sont des produits complètement en lien avec ces documents électroniques, multimédia, donc vont commencer à entrer dans les collections progressivement, très progressivement. Et l'intérêt pour le jeu vidéo, c'est vrai qu'il est peut-être plus marqué ces dernières années avec différentes manifestations d'intérêt, y compris des pouvoirs publics, y compris du ministère de la Culture, mais aussi pour d'autres aspects qui sont économiques. C'est une industrie florissante. Et nous affirmons en quelque sorte que le jeu vidéo est bien un patrimoine culturel et qui est donc dans nos collections au même titre que des documents plus évidents. Donc dans l'histoire des collections très longues de la Bibliothèque nationale de France. Pascale Isartel, la mission de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, c'est le dépôt légal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire et surtout ce que ça veut dire pour le jeu vidéo ? Alors effectivement, c'est vraiment la source principale d'enrichissement des collections, le dépôt légal. Le dépôt légal, il est créé par François Ier en 1537. D'abord dans une optique, un objectif de contrôler les publications du royaume. Et puis progressivement, le dépôt légal va s'étendre à toutes les publications publiées en France, distribuées à un public français. Et donc effectivement, les collections qui sont conservées au département de l'audiovisuel traduisent cette ouverture vers des nouveaux médias, puisque donc le jeu vidéo dans les années 90, les publications électroniques, et puis en 2006, les publications et tout ce qui concerne donc les contenus dématérialisés, en particulier le dépôt légal de l'Internet, va être mis en place avec la loi d'AFSI. Ça veut dire que pour le jeu vidéo, les éditeurs de jeux vidéo ou tous les créateurs qui produisent un jeu vidéo sont obligés de vous en donner une version, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors le dépôt légal concrètement, c'est le dépôt à la Bibliothèque nationale de France par les éditeurs de 2 exemplaires de version physique de ces documents et de toutes les versions éditées avec des productions matérielles comme des figurines, enfin une grande diversité sur différents supports Et puis nous sommes confrontés à ce défi qui est la dématérialisation extrêmement massive donc des jeux vidéo. Et nous sommes en train d'adapter nos processus en collaboration avec des éditeurs, en particulier une expérimentation que nous menons avec Ubisoft. Et puis nous élargissons aussi ces collectes, nous les renseignons, nous les documentons par le biais de la collecte du dépôt légal du web, les chaînes YouTube de gamers, toute cette communauté qui parle du jeu vidéo, qui pratique le jeu vidéo, ça peut aussi permettre de mener des recherches dans le futur. Donc cette notion d'archive de la jouabilité est vraiment un avenir pour la conservation aussi de ce patrimoine et de toutes les communautés qui s'y intéressent aujourd'hui. Jean-Philippe Imbleau, chef de section support du service multimédia au département de l'audiovisuel de la Bibliothèque nationale. Voilà la régie audiovisuelle. Nous avons en fait tous les équipements qui permettent de lire tous les supports qui sont dans nos collections. Donc là vous avez des lecteurs de vinyle et de différents supports vidéo, hein, DVD, Laserdisc, VHS. Et format professionnel aussi de U-matic. Et puis tout ce qui est son. Donc c'est préparé ici pour être consulté en salle P. Et puis également la partie jeux vidéo. Donc là, si vous voulez, par ici, on a un certain nombre de consoles qui permettent de préparer les choses. Et puis on apporte la console directement en salle de lecture quand il est nécessaire d'avoir recours à une console. Et puis dans une remise, nous avons des équipements plus anciens, mais qu'en général on n'utilise plus maintenant, puisqu'on peut passer par l'émulation et éviter de sortir les matériels d'origine qui sont quand même assez fragiles et parfois ne fonctionnent plus ou qu'il faudrait réparer. Est-ce que les jeux vidéo vieillissent vite ? Alors, les jeux vidéo, en termes de support, oui, vieillissent plutôt vite. On a essentiellement historiquement des documents qui sont sur des supports magnétiques qui ont une durée de vie qui se chiffre en quelques décennies, puisque le signal magnétique a tendance à s'affaiblir avec le temps et qu'il n'est pas possible de le réactiver. Et puis on a des supports optiques qui eux aussi vieillissent très vite. Nous on estime qu'un CD pressé a une durée de vie d'à peu près 20 ans, alors que quand il est gravé, il a une durée de vie de 10 ans. Pour les DVD, on estime que c'est à peu près la moitié de ces durées-là. Et puis sur les Blu-ray, on n'a pas beaucoup de recul jusqu'à présent, mais on tape sur des durées à peu près équivalentes. Donc il faut que dans la décennie où les documents sont déposés, ils soient recopiés. Alors il faudrait mentionner également le cas des cartouches qui ont une robustesse un peu plus élevée. Mais les cartouches comme celles de la Super Nintendo, de la Nintendo 64, qui sont en fait des cartouches de plastique avec à l'intérieur des puces silicium, c'est ça ? C'est ça, des EEPROM. Donc là-dessus, on a une durée de vie qui est quand même plus longue, mais enfin qui se chiffre en quelques décennies a priori. Et encore au-delà de ça, la machine elle-même qui permet de lire, pour le coup, et de jouer le titre, hein, qu'on pense à une console de jeu, a elle-même une durée de vie assez courte, comparé aux livres, aux autres supports qu'on conserve à la bibliothèque. Donc là aussi, il faut trouver des solutions pour qu'au-delà de quelques décennies, on puisse préserver cet accès. Comment vous réagissez face à l'obsolescence de ces jeux vidéo et des consoles qui y sont attachées ? Alors, la BNF a établi une stratégie qui peut se résumer à la virtualisation aussi bien des supports que des machines de lecture. Concrètement, les supports, il faut les recopier, c'est-à-dire en faire un fichier que lui, on va pouvoir conserver avec des moyens modernes et des moyens qu'on maîtrise. D'autre part, la machine qui permettait la lecture du support ou son exécution, on souhaite la virtualiser. Et cette technologie s'appelle l'émulation. L'émulation qui consiste en fait à remplacer par un logiciel un système électronique, informatique, matériel, d'être capable de l'exécuter, mais dans un environnement récent et avec les périphériques récents, c'est-à-dire un clavier, une souris, une manette, un écran moderne, un écran plat, même si le jeu d'origine se jouait sur un écran cathodique et qu'en termes d'impression visuelle, il va y avoir une perte, une dénaturation, mais pour nous, c'est le prix à payer pour préserver cet accès. L'émulation, c'est quelque chose qui est apparu au sein d'IBM, à l'époque où ils faisaient tous des machines non compatibles et que les clients donc n'étaient pas qui étaient très mécontents de ne pas pouvoir utiliser le programme qu'ils avaient acheté pour les nouvelles dernières machines qui sortaient chez IBM, qui étaient des gros ordinateurs à l'époque. Et donc on a créé en fait un programme qui fait croire, qui simule en fait qu'on est sur une autre machine pour pouvoir faire tourner un programme d'une machine précédente. Donc ça, c'est la base. Moi, j'ai vu apparaître l'émulation surtout parce qu'il y avait des programmeurs qui, à l'époque, avaient revendu leur vieille machine pour en acheter une nouvelle, plus puissante. Voilà, l'obsolescence de l'informatique était très rapide quand même à l'époque. Au niveau, tous les 6 mois, on gagnait énormément de puissance. Et donc, ils regrettaient en fait de ne pas pouvoir utiliser leurs anciens programmes, leurs anciens jeux. Et c'est comme ça que les premiers émulateurs sont apparus. Voilà. Donc, qu'aujourd'hui, l'émulation de vieilles machines de jeu sur du matériel récent, c'est quelque chose qui est même utilisé par les éditeurs qui font des compilations de leurs vieux titres et qui utilisent l'émulation. Donc, c'est une technologie avant tout. Après, on peut l'utiliser de manière illégale ou légale. Hein. Voilà, ce qui est effectivement illégal, c'est d'utiliser des programmes qu'on n'a pas achetés, pour le coup. C'est un lourd boulot et c'est très communautaire, c'est-à-dire que c'est très peu professionnel. Hein. C'est des amateurs, mais qui sont professionnels dans la vraie vie la plupart du temps, qui font ça sur leur temps libre. Là, on a quand même, au niveau mondial, beaucoup de gens qui s'en préoccupent. Alors c'est très étrange de voir que les gouvernements effectivement s'en occupent moins, enfin ils y pensent moins. On a beaucoup d'associations, que ça soit par exemple GPS au Japon, la fédération F-Camp aussi au niveau européen dont fait partie MO5, qui essaye de faire bouger les choses un peu partout. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'universitaires, même de scientifiques, de gens travaillant dans la profession, hein, qui aujourd'hui sont chez Sony, chez Microsoft, c'est ça, qui essayent de donner de leur temps pour cet effort en fait global. Voilà, mais ça reste quand même assez amateur et les gouvernements n'emparent pas en tout cas. Jean-Philippe Humblot, qui fabrique ces émulateurs? C'est des machines informatiques, donc c'est du code, c'est du programme. Est-ce que la BNF en produit? Alors non, la bibliothèque ne produit pas d'émulateurs. Il a pu arriver qu'on demande à des informaticiens qu'on connaissait d'en développer ou d'ajuster, de faire sur mesure, disons, des ajustements pour nos lecteurs, d'émulateurs qu'ils avaient développés eux-mêmes. Enfin, ça reste assez anecdotique. La plupart des émulateurs aujourd'hui sont développés par des communautés de passionnés qui consacrent souvent leur nuit et tout leur temps libre. C'est assez fou de se dire que le travail de conservation de la BNF et donc de la mission de mise à disposition des jeux vidéo repose sur des passionnés. Ah oui, c'est fou. Bon alors, certes, la bibliothèque n'aurait pas les moyens de toute manière de développer tous ces outils informatiques. Donc c'est une opportunité. Effectivement, ça peut paraître un peu choquant que finalement nous dépendions de ces bénévoles. Mais voilà, le fait est, et pas seulement sur l'émulation, mais également sur les outils qui nous permettent de copier ces différents supports, on a recours au travail de bénévoles, de spécialistes, mais qui n'en tirent pas de rémunération, pour pouvoir assurer notre mission. Déjà, on rentre dans le jardin. Hein. On a des fraises, mais pas cette saison. Hein. C'est vrai que c'est assez agréable en fait, d'avoir un dégagement. Voilà, d'habitude, il y a le volet roulant. Mais là... Et voilà. Je vais rentrer dans l'antre. On n'a pas des besoins gigantesques, parce que plus on avance dans le temps, plus les archives sont réduites. C'est-à-dire, en fait, elles sont compactées. Donc ça devient des CD à la fin. Hein. Voilà. Vous avez reçu une cargaison de cartons là dans l'entrée. Ben voilà, effectivement, là il y a 18 cartons, enfin il n'y a plus 18, il y en a une quinzaine qu'on a reçu de Bruno Bonnel, donc le patron de l'Infogramme Atari, etc. Ça fait longtemps qu'on les chassait. C'est des archives personnelles. Et puis alors, il y en a 15 là, et déjà 3 en haut qu'on a commencé à dépouiller pour savoir ce qu'il y avait dedans, parce que c'est un peu la surprise à chaque fois. Quoi. Mais là, donc du coup, ça nous. C'est un beau volume. Hein, pour des archives qu'on récupère, parce qu'actuellement on est plutôt dans le petit classeur ou le, hein, parce que peu de gens ont des grosses archives en fait. Donc là c'est un petit trésor quand même, avec plein de cassettes vidéo. Enfin il y a des cartons de cassettes vidéo, de CD, de, mais surtout beaucoup de documents papier, d'albums photos. Ça c'est pas mal aussi. Enfin bref, c'est un petit trésor. Voilà. On va passer au-dessus, hein. Bertrand Brocard a fondé en 1983 la société de jeux vidéo Cobra Soft, rachetée ensuite par Infogrames. Il est l'auteur notamment de la série Meurtre, des jeux d'enquête sur ordinateur. C'est un pionnier du jeu vidéo français. À la fin de sa carrière, il a commencé à accumuler des archives liées à la création du jeu vidéo. Il nous accueille aujourd'hui à Chalon-sur-Saône, dans le local du Conservatoire national du jeu vidéo qu'il a fondé en 2016. Nous, on se positionne vraiment sur, comme je dis souvent, de l'idée originale à la boîte. Qui c'est qui le fait, comment il le fait, combien ça coûte, comment ça se passe. Et puis, ça nous intéresse aussi les jeux qui sont pas sortis. Parce qu'un jeu qui n'a pas été édité, peut-être a tout à fait son intérêt, parce qu'on va retrouver tout le développement du produit, et puis finalement, peut-être le blocage. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les comptas. Ça étonne beaucoup les gens. Je vais pas te donner une compta, ça n'a aucun intérêt. Mais si ça a un intérêt, le chercheur qui s'intéresse à l'économie du jeu vidéo, dans une compta, il va trouver des trésors. Combien les gens sont payés, quels sont les fournisseurs. Avec un peu de chance, il y aura aussi les originaux des factures, des trucs comme ça. Donc on va trouver les quantités fabriquées. Enfin, on va trouver des choses extrêmement intéressantes. Et ça, personne vous dira, c'est intéressant d'avoir une compta d'une société de jeux vidéo. Vous nous montrez vos trésors? Voilà, ben... On a tout un couloir rempli d'étagères dans lequel on va trouver là les archives de jeux proprement dites. Alors on pourra en ouvrir une si ça vous intéresse. Mais voilà, chaque carton. Alors certains cartons sont des choses un peu d'ordre générique, par exemple test de jeux vidéo, packaging, distribution, des choses comme ça pour lesquelles on a des éléments. Et puis d'autres, on va avoir 3 ou 4 cartons ou 2 cartons avec les archives d'un jeu en particulier, soit fait chez nous, soit fait chez Infogrames, soit dans d'autres sociétés, avec la chance d'avoir plus ou moins d'éléments très très variés. Alors, en général, on est à un stade justement de classement de type, simplifié. Pour l'instant, on n'a pas de base de données spécifique. Personne n'a pu nous en proposer. Donc ça reste à inventer. Comment archiver ces choses-là? Et c'est pas notre métier, donc on attend d'avoir le contact. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on travaillait avec des gens comme la BNF, comme d'autres archives, etc., pour savoir eux comment ils faisaient, qu'est-ce qu'ils nous conseilleraient, comment faudrait faire, etc. Mais pour l'instant, c'est tellement varié qu'on sait pas trop comment faire. Et on est en train de se rapprocher aussi de gens qui font des archives d'écrivains. Parce que, pour le coup, on est dans des choses très variées qui vont de la coupure de journal à un coin de table, enfin une nappe de resto découpée avec une idée. Vous voyez, c'est très varié. Donc, aller classer ça, c'est compliqué. Alors, donc, on va ouvrir ce carton. Dans un ordre un peu logique. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des boîtes toutes petites, des boîtes de cassettes, parce que les jeux étaient vendus sur, enfin, je sais pas, là, on retourne aux années 80, hein. Nous, on s'intéresse aux jeux même d'aujourd'hui, hein, mais on commence par le début, on va dire, hein. Donc là, pendant les années 80, c'était vendu sur des cassettes audio, sur lesquelles il y avait le logiciel qui était, qui était enregistré, hein. Ça faisait comme ça, hein, quand on écoutait la cassette, hein. Et, c'était des petites boîtes de cassettes. Alors après, on a rapidement augmenté la taille pour avoir des cassettes. C'est un peu le principe du gros package avec un petit truc dedans, hein. Donc on a augmenté la taille des boîtes pour avoir plus de place pour les visuels. C'est un petit peu plus sexy, on va dire, hein. Ça ressemble plus à une boîte de cassettes VHS. Ça, c'était des boîtes de cassettes VHS dans lesquelles on mettait simplement un calage particulier pour pouvoir mettre le, voilà. Et là, on voit par exemple sur cette cassette audio, on était quand même malin, parce que par exemple sur la cassette audio, d'un côté il y avait le programme et de l'autre côté il y avait un message audio qui faisait partie lui-même du jeu. C'était comme si c'était une cassette de dictaphone dans laquelle on entendait le sénateur qui est en jeu dans l'histoire dire un message comme si ça avait été enregistré sur son téléphone ou sur son dictaphone. On va trouver par exemple imprimé sur un papier de listing de banque en l'occurrence qui servait de brouillon en fait parce qu'on n'avait pas d'imprimante à l'époque. Hein. On va trouver par exemple programme Omnibus une petite note que j'avais écrite décrivant un peu l'idée du programme. Vous voyez, on n'en est même pas à le faire. Là, on en est vraiment dit, oh, ça serait ceci, ça serait cela, quelques idées, ça fait une page. Et puis, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous lire le début? Alors, projet Omnibus, objet, tout en luttant contre la montre, le but du jeu est de découvrir une énigme policière, le joueur est l'inspecteur qui mène l'enquête, celle-ci se déroule dans un cadre original du TGV qui se rend de Lyon à Paris, celui-ci file à toute vitesse pour la capitale, nanana, vous avez failli à votre mission, tac tac, vous avez 2 heures, enfin bref, vous voyez, c'était, voilà. Et après on va retrouver peut-être des éléments de ce texte-là, peut-être en quatrième de couve, hein, sur l'idée. Alors on va trouver, alors c'est une feuille, c'est intéressant, parce qu'on voit les graphismes de Martin Grandi. Vitesse. Bon, alors évidemment, on s'aperçoit que c'est quand même très très restreint. Hein. Donc, on a une espèce de personnage très très simplifié, et puis un espèce de wagon de TGV vu du dessus, avec 4 pauvres petits caractères qui représentent les sièges. Là, on a même le bar. Oui, enfin, c'est ultra simplifié. Et puis là, par exemple, on a le code source du listing. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le listing, c'est que, par exemple, dans ce cas-là, alors là, on va l'ouvrir. Il y a des disquettes anciens modèles, des feuilles de notes, et puis le listing, on doit bien l'avoir quelque part. Et le listing, ben voilà, il est imprimé là sur du papier listing d'imprimante traditionnelle à l'ancienne, hein, où il y avait les petits trous sur le côté. Et puis voilà, on a l'intégralité du programme, hein, qui fait qui va faire 20 pages à peu près, hein, dans lequel il y a beaucoup de vide, hein, mais c'est un programme, c'est du langage basique, tout simplement. Le langage que tout le monde, enfin, que les fanades informatiques apprenaient, parce qu'ils n'avaient pas grand chose à faire d'autre avec leurs ordinateurs aussi que de les programmer, hein. Donc, c'est tout bête, hein. Là, on trouve les graphismes redéfinis, mais ça étonne toujours les jeunes qui font de l'informatique. C'est pas possible, hein, etc. Et on va trouver, les dialogues, on va trouver tout le cœur du jeu, en fait. On n'aurait pas l'idée aujourd'hui d'imprimer du code informatique. Ah, on l'imprime plus, mais quoique, en fait, on s'aperçoit, effectivement, aujourd'hui, on est passé dans un mode où il n'y a presque plus d'archives papier, mais en fait, on s'aperçoit qu'il en existe quand même, parce que vous avez énormément de graphistes, par exemple, qui continuent à faire du rough papier, qui mettent leurs idées, qui les rough sur du papier dessin, etc., ou des blocs, hein, et avant de les transformer sur la machine et de les mettre en forme sur la machine. Il y a encore pas mal quand même qui font ça, mais bon, c'est vrai que maintenant ça devient de plus en plus des notes sur par mail, des échanges par mail entre l'équipe, le programmeur qui écrit ou un machin, etc. Et ça, c'est un intérêt parce que nous, on n'a pas de trace de ça. Bertrand Brocard, vous avez donc dans le local qui sert à entreposer les archives du Conservatoire National du Jeu Vidéo, beaucoup de vos propres archives en tant que créateur de jeux vidéo, donc des années 80-90, si je ne me trompe pas, mais également d'autres créateurs vous donnent leurs objets. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils le font facilement? Ou est-ce qu'il faut que vous vous battiez pour ça? Non, de toute façon, il faut se battre, mais on ne se bat pas contre... Le problème, on se bat contre le temps. En fait, c'est pour ça qu'on commence par le début, parce qu'il y a une véritable urgence, hein, parce que les premiers créateurs, on a dépassé 60 ans, 70, etc. Il y en a qui sont déjà décédés. Là, par exemple, j'ai voulu un carton, c'est les archives de Dominique Sablon, là, qui sont marquées Fond Sablon. C'est un graphiste qui a travaillé pour nous et qui a travaillé pour d'autres éditeurs de jeux vidéo français, c'est un indépendant, qui a travaillé notamment sur des jeux très connus, mais quand j'ai voulu reprendre contact avec lui en disant, tiens Dominique, au fait, donc j'ai cherché, et je suis tombé sur son faire-part de décès. Donc ensuite, j'ai réussi à contacter sa veuve, qui a accepté, qui me dit, justement, ça tombe bien, ces archives, je ne savais pas quoi en faire, elles allaient presque passer à la benne, parce que je n'aimais pas les voir, etc., et ça me posait problème, donc vous tombez bien. Quoi. Donc je les ai récupérées, et d'autres comme ça, et souvent, on est à deux doigts, justement, de la déchetterie, quoi, à chaque fois. Hein. Et après, il n'y a pas de problème. Alors nous, on ne se positionne pas du tout en prédateur, en disant, on veut vos archives, donnez-les-nous, etc. On a une attitude beaucoup plus soft, qui commence à identifier les choses. C'est-à-dire, avant de collecter, on identifie qui a quoi. Donc, on essaye de savoir ce que les gens ont et justement d'essayer de leur dire, mais attends, t'as peut-être pas que ça, t'as peut-être d'autres trucs auxquels tu penses pas et qui n'ont pas d'intérêt pour toi, mais qui peuvent nous intéresser. C'est l'exemple des comptables dont je parlais tout à l'heure. Moi, je connais quelques chercheurs, ils vont se précipiter là-dessus. Hein. Marion Coville, vous êtes sociologue et vous avez fait une thèse sur la construction du jeu vidéo comme objet muséal, donc beaucoup sur les relations entre le monde du jeu vidéo et le monde des musées. Est-ce que le jeu vidéo a aujourd'hui sa place à l'université ? De plus en plus, en fait. C'est même intéressant, en fait, depuis quelques années, là, on voit de plus en plus de colloques universitaires se monter sur la question des jeux vidéo, des projets de recherche sur les jeux vidéo. On voit des universités qui créent des game labs, vraiment des entités dédiées à la recherche sur le jeu vidéo. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé, qui a été rendu public ces dernières années. Mais oui, le jeu vidéo est l'objet de recherche depuis une vingtaine d'années à l'université au moins. Est-ce qu'il y a eu des obstacles pour que les chercheurs puissent appréhender le jeu vidéo comme un objet universitaire comme les autres ? Il me semble que l'obstacle principal, c'est le fait que le jeu vidéo a été longtemps considéré, et l'est toujours dans une certaine mesure, considéré comme un objet de culture illégitime. Donc comme d'autres objets de ce type, c'est vrai qu'à l'université, il y a un certain temps d'adaptation, d'appropriation. Mais je pense qu'on peut étendre cette réflexion-là, en fait, au regard que peuvent porter les institutions culturelles sur le jeu vidéo aussi. On va être sur les mêmes obstacles. C'est-à-dire que, généralement, ce qui va donner plus de difficultés à s'intéresser aux jeux vidéo, c'est d'un côté sa dimension marchande, industrielle. Donc on va avoir à nouveau cette espèce de dichotomie entre bien culturel et bien marchand. Donc ça va créer quelques tensions. Il y a aussi sa dimension technique, liée à la programmation, liée à l'informatique, où bien souvent on va considérer que toutes ces activités-là ne sont pas considérées comme des activités culturelles, mais sont de fait considérées comme des activités qu'on va nommer comme techniques et donc ne seraient pas intéressantes pour la dimension culturelle. Et puis il y a aussi le fait que le jeu vidéo, c'est un loisir et qu'on va considérer que c'est une activité entre guillemets improductive, qu'on va faire tout simplement pour le plaisir et cette partie-là aussi, pour son acceptation et sa légitimation en tant que culture, ça peut poser quelques tensions. Les expositions qui ont eu lieu au début des années 2010, notamment, elles ont apporté aux jeux vidéo une certaine reconnaissance culturelle, artistique, patrimoniale aussi. Mais ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est que entre 2010 et 2013 à peu près, on a vu énormément d'institutions culturelles s'emparer du jeu vidéo, monter des expositions soit historiques, soit plutôt des expositions qu'on va dire artistiques, qui mettaient en valeur les qualités esthétiques des jeux vidéo. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que beaucoup de ces institutions-là ont eu une exposition sur le jeu vidéo, mais n'ont pas forcément intégré le jeu vidéo à leur programmation de manière plus générale. Où là, effectivement, on va retomber sur un nombre un peu plus petit d'institutions qui vont s'approprier le jeu vidéo et vont vraiment l'intégrer à leur politique de programmation et pas seulement sur le court terme. Ce que j'ai noté aussi, c'est que la dimension ludique, en fait, elle peut créer encore beaucoup de tensions dans des expositions. C'est quelque chose qui m'a intéressé, puisque en me penchant sur les écrits qui avaient été produits, par exemple, par des commissaires d'exposition qui s'étaient eux-mêmes prêtés à la question de l'exposition des jeux vidéo, je me suis aperçue que la crainte la plus régulière et qui revenait vraiment très, très souvent, c'était « Oui, mais si on met du jeu vidéo dans une institution culturelle, est-ce qu'on n'est pas en train de transformer l'exposition en salle de jeu ?» Et on retrouve vraiment cette crainte que le public se mettent à jouer, ou en tout cas qu'ils se mettent trop à jouer, ou qu'ils se mettent pas à jouer comme il faut. Et c'est vraiment très intéressant, parce que en retour, on va aussi avoir pas mal de techniques, de petits moyens mis en place, ou en tout cas de réflexions sur comment est-ce qu'on fait pour présenter du jeu vidéo, mais en même temps orienter les attitudes et les comportements pour s'assurer que le public joue un peu, mais pas trop. Et comment est-ce qu'on fait pour réguler cette attitude ludique au sein des institutions? Ce qui pose aussi des questions pas possibles en termes d'exposition et de médiation, puisque dès lors qu'on commence à se dire, bah tiens, il faudrait qu'on puisse quand même exposer un jeu de rôle massivement multijoueur, là on se dit, ben oui, d'accord, il faut y jouer, mais quand on a des publics qui n'ont jamais joué à un jeu et qui se retrouvent dans une exposition où ils n'ont absolument pas le temps d'apprendre à jouer, on fait comment pour les mettre face à Eveline ou face à World of Warcraft? Donc là, pour le coup, enfin, il y a des musées qui ont eu des manières de faire que je trouve particulièrement intéressante, notamment le MoMA à New York, qui pour exposer EVE Online en fait a travaillé avec les concepteurs du jeu et aussi avec les joueurs et les joueuses en travaillant en fait sur une journée complète dans le jeu. Et à partir de ça, le MoMA a créé un audiovisuel d'à peu près 8 minutes dans mes souvenirs qui reprend en fait toutes les données collectées et différentes images qui ont été captées par les joueurs et les joueuses pour essayer en 8 minutes d'expliquer à un public néophyte ce que c'est que de s'engager dans un monde numérique. Marion Coville, pourquoi c'est important que le jeu vidéo soit un objet du patrimoine comme un autre ? Parce qu'il fait partie de la vie de nombreux individus aujourd'hui et qu'il fait partie de nos modes de vie, il fait partie de notre culture et qu'en ce sens, c'est important aussi qu'il fasse partie d'un patrimoine de manière plus générale. Douglas Alves, vous êtes aussi professeur dans plusieurs écoles de jeux vidéo. Pourquoi c'est important pour vous que vos étudiants puissent avoir accès à tous les jeux vidéo qui sont sortis, ou en tout cas la plus grande partie ? Alors, tout simplement parce que pourquoi il ne pourrait pas ? Un étudiant en cinéma aujourd'hui, il a la Cinémathèque française, voilà, pour pouvoir faire des études, aller voir des classiques. Et les étudiants en jeux vidéo, mais sont bien obligés de, pour connaître le média à fond et connaître comment les mécanismes de game design arrivent, ceux qui s'imposent au fil du temps, ceux qui ont été oubliés d'ailleurs et qui pourraient être réutilisés, ils sont bien obligés de construire leur culture sur l'histoire du jeu vidéo, et donc on est obligé de les garder. Alors que le jeu vidéo est jeune, il est dans son adolescence, on a déjà des connaissances qui ont été oubliées, ce qui prouve qu'il y a un manque de transmission de ce patrimoine, et c'est important. Donc il y a des savoir-faire qui se sont perdus, des façons de coder des jeux vidéo, des techniques, des graphismes. Tout à fait. On a des, par exemple, si on parle d'une technique de chargement qui a été inventée sur Amiga, qui s'appelle le track loading, en fait, elle a disparu. Et puis après, bon, elle a été redécouverte à l'époque de la PS3. Voilà. Alors qu'elle était non documentée, effectivement, puisque les programmeurs étaient tous des amateurs, des autodidactes à l'époque, et n'ont pas été transmises par les écoles d'informatique. Donc, la technique avait disparu. Douglas Alves, est-ce que les industriels, les éditeurs de jeux vidéo, les studios de développement font leur part aussi de ce travail de conservation ? Alors, très peu. Parce que si, par exemple, on est un joueur aujourd'hui et qu'on lit la presse, on va s'apercevoir qu'il y a des papiers très récents sur Squaresoft a envie de ressortir Final Fantasy tant, et mais n'a plus les sources, n'a plus les graphismes originaux, n'ont pas pensé à garder sur des disques durs leur backup. Nintendo qui, quand a déménagé, a jeté énormément de leur patrimoine à la poubelle, qui justement ont eu recours en fait à des moyens d'étourdir tourner pour récupérer les jeux, pour pouvoir proposer des compilations, donc effectivement, mais récemment, il y a quand même des bonnes nouvelles. Notamment, la meilleure nouvelle que j'ai pu lire ces derniers mois, c'est quelqu'un chez Bandai Namco. Donc au Japon, hein, qui est un pays qui a une idée de la préservation qui est très différente de la France, a commencé à sensibiliser tous les éditeurs à garder leur patrimoine. Donc je pense que c'est une idée qui est très très forte actuellement, et les gens commencent à s'en rendre compte que en fait c'est très très utile de garder ce qu'a fait chaque société, de garder son patrimoine, parce que ça peut resservir, c'est des choses qui sont précieuses à garder. Alexis Blanchet, vous travaillez en ce moment sur un livre sur l'histoire des jeux vidéo en France avec Guillaume Montagnon. Si le jeu vidéo devient légitime aujourd'hui au point de lui consacrer des ouvrages universitaires sur son histoire comme vous le faites, c'est donc aussi parce que le joueur de jeux vidéo n'est plus l'adolescent qu'on pouvait simplement mépriser, ou en tout cas dont on pouvait mépriser les passions et les hobbies qui passeraient comme tout le reste. Aujourd'hui, le jeu vidéo est légitime car il est au centre de la société, parce que ses joueurs sont aujourd'hui au centre de la société. Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Pour ma part, venir m'exprimer dans les médias autour du jeu vidéo participe de cette légitimation culturelle, puisque ça précise, et c'est ce qu'on fait actuellement, c'est qu'un enseignant-chercheur peut être à l'antenne d'une grande radio, d'une radio culturelle, et s'exprimer sur les jeux vidéo et avoir quelque chose à dire sur les jeux vidéo. Du point de vue du traitement journalistique, je pense que les papiers d'Olivier Séguret dans Libération sont probablement les premiers jalons d'un rapport qui est un rapport critique aux jeux vidéo. Séguret écrit de 95 jusqu'à la fin des années 2000 en critiquant des jeux vidéo comme il a critiqué des films de cinéma au sein de la rédaction de Libé pendant de nombreuses années. Puis on voit des signatures comme celle d'Erwan Iguinen, celle d'Erwan Cario également à Libération, qui vont accompagner ce mouvement d'un traitement médiatique qui semble aussi correspondre à un nouveau lectorat. Et là on retrouve des effets générationnels, c'est-à-dire des générations de journalistes qui sont nés avec le jeu vidéo, qui l'ont pratiqué et puis qui dans leur pratique journalistique souhaitent pouvoir en parler et pouvoir parler des jeux vidéo dans les colonnes des quotidiens, etc. Et puis on le voit aussi du côté de la presse spécialisée, elle a longtemps correspondu à un traitement qui est celui du guide de consommation, on va dire, c'est-à-dire que la grande question à laquelle répond la presse spécialisée dans les années 80, 90 jusqu'au début des années 2000, c'est faut-il ou ne faut-il pas acheter ce jeu ? Et voilà les raisons pourquoi il faut l'acheter, et puis voilà les raisons pourquoi il ne faut pas l'acheter. Puis aujourd'hui, cette presse spécialisée, bah déjà, son lectorat vieillit, hein, et ça, tous les rédacteurs en chef de canards spécialisés vous diront, bah voilà, on vieillit avec notre lectorat. Mais évidemment, ce lectorat, 30 ans, 35, 45 ans d'âge, 40 ans d'âge de moyenne, peut-être pas 45 encore, il va avoir d'autres attentes sur la manière dont on veut lui parler de jeux vidéo. Donc, ce que j'appellerais la sédimentation générationnelle, d'une certaine façon, fait que on peut ouvrir aujourd'hui et qu'on va parcourir Canard PC, J'y vais le mag, et qu'on va voir aujourd'hui des papiers qui ouvrent sur des questions sociales, sur des questions politiques, sur des questions culturelles beaucoup plus larges autour du jeu vidéo. Donc probablement que voilà, il faut mettre en regard le vieillissement du lectorat, le vieillissement des joueurs aussi, dans des attentes qui sont des attentes aujourd'hui de d'informations qui vont au-delà du guide de consommation et qui se déploient sur des questionnements culturels, politiques ou sociaux. Il faut probablement observer ce qui s'est passé du point de vue des pouvoirs publics et des discours contenus depuis Donnedieu de Vabre, ministre de la Culture, qui décore des game designers et les fait chevaliers dans l'ordre des arts et des lettres. Le fait que des écoles nationales du jeu vidéo soient ouvertes aujourd'hui. Le fait que des lieux d'exposition ou des musées accueillent la question du jeu vidéo. Donc c'est un processus assez global qui dit quelque chose de la manière dont le jeu vidéo est sorti de l'image qui avait été construite autour de lui dans les années 80, précisément par Nintendo of America, qui était que le jeu vidéo s'adressait aux plus jeunes, et qui est démenti aujourd'hui dans les pratiques. Et c'est vrai que si les ministres font chevalier dans l'ordre des arts et des lettres certains game designers, c'est aussi pour répondre à des pressions de l'industrie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... L'industrie, elle souhaite obtenir des facilités fiscales, des arrangements, et donc de faire percevoir le jeu vidéo comme un objet culturel, évidemment, ça va faciliter ensuite des négociations pour des niches fiscales, pour pouvoir employer suffisamment de personnes pour faire des jeux en France, sur le territoire français, et défendre la création française, etc. Donc tout ça, évidemment, est perclus d'enjeux qui ne sont pas seulement un objet culturel qui s'affirme dans une société, mais également des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux qui sont ceux de se montrer qu'on est de son époque aussi, et tout ça participe de cette légitimation globale des jeux vidéo. C'était Les jeux vidéo, c'est la vie. Aujourd'hui, un patrimoine à sauvegarder. Avec Douglas Alves, Elodie Bertrand, Pascal Issartel, Jean-Philippe Humblot,